C'était vraiment très bien, et Marconi ne bluffe pas. Difficile de résumer l'expérience John Dies at the End. Il s'agit d'une histoire décousue racontée par un junkie qui a traversé le rideau de la réalité pour voir au-delà et y affronter Korok dans un monde parallèle. Et il perçoit le temps comme un océan, un peu comme Premier Contact, mais sans être aussi chiant. Bref, nos deux héros, Dave et John, se retrouvent avec de la sauce soja dans les veines et peuvent percevoir les différents niveaux de réalité et affronter pêle-mêle un démon en viande surgelée, un zombie nazi revanchard et une entité dotée d'une intelligence supérieure. Nul n'était plus indiqué que le talentueux Don Coscarelli, auteur des Fantasmes et réalisateur de l'exceptionnel Booba Hotep. Et il adapte à merveille le roman de David Wong, et autant dire que le challenge était relevé. En effet, pour avoir lu le roman en version originale, je dois avouer que j'ai souvent été perdu dans ma lecture, au point de me demander si le roman était à ce point absurde et décousu, ou si j'avais perdu ma maîtrise de la langue de Shakespeare.